On va parler de deck hockey. C'était l'an 1 cette année à Dolbeau-Missassigny du deck hockey. Et question de faire un peu le bilan de tout ça. On parle avec Jonathan Harvey, qui était un des grands responsables. On l'a vu sur les médias sociaux, très dynamique. Il s'impliquait énormément. Parler avec les gens également. Salut, Jonathan. Salut. Jonathan, première année du deck hockey à Dolbeau-Missassigny. On va faire un peu le bilan. Comment ça a été? Est-ce que tu es content? Oui, on était content. On a eu une très bonne saison. Quand même plusieurs équipes pour la première année, autant au niveau des jeunes que des équipes adultes. Puis je pense que même au niveau des joueurs, là, ça a été super apprécié là, pour l'année 1. Là, pour plusieurs, c'était la première fois qu'ils jouaient à ce sport-là directement. Il y en a quelques autres qui avaient déjà joué et qui ont vraiment aimé la saison. OK. Si on parlait maintenant des améliorations peut-être à voir pour l'an prochain, est-ce qu'il y a du côté des améliorations à regarder? Bien, des améliorations, là, je te dirais que oui, il y en a tout le temps un petit peu. Il y a des ajustements au niveau des règlements, même si c'est un sport qui est quand même universel et qui se joue depuis plusieurs années dans d'autres municipalités et d'autres villes. Là. On a quand même nos propres règlements à modifier un petit peu. Mais sinon, tu sais, ça va quand même bien. Là, c'est sûr que quand on a des intempéries, il va falloir avoir un petit plan blé pour être capable d'évacuer l'eau de la surface. Là, parce que c'était peut-être ça un petit peu le problème. Là, quand il y avait des intempéries, l'eau restait à certains endroits restait là. Donc, quelque chose là, pour être capable de la drainer ou de l'évacuer. Là. On a deux, trois idées en tête là, pour ça. Mais oui, il va y avoir aussi d'autres améliorations qui vont nous être apportées par le capitaine. Mais on s'est ajouté quand même au fur et à mesure de l'année aussi là, avec la réalité des gens d'ici. Là. OK. Est-ce que c'est pensable peut-être l'an prochain avoir une deuxième surface? Ben moi, je suis pas dans le secret des dieux. Par contre, tu sais, moi je me dis là présentement, c'est l'année 1. On a la surface qui est là, qui est pas pleine, ça n'a pas été pleine à pleine capacité quand même. On ouvrait du lundi au jeudi. Puis il y avait encore quelques plages horaires qu'on était capable d'aller chercher dans ces journées-là. Il y a le vendredi qui était pas ouverte. Fait que là, on a encore là, plusieurs heures là, qu'on est capable de remplir cette surface-là avant de dire on s'en va vers une autre surface. Ça serait peut-être, en tout cas, à mon humble avis, de rentabiliser elle le plus possible. Là. Puis de faire grandir le sport avant des fois de voir trop grand, des fois ça peut faire mal. Mais tu sais, je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Là, okay, okay. S'il y en a un autre, on va être capable de l'opérer quand même. Ça ne peut pas recommencer. Comment tu as trouvé le calibre, Jonathan? Ben, le calibre, on a trouvé un calibre très bon. On avait deux catégories. On avait la catégorie qui était, on l'appelait la catégorie D, puis on avait la catégorie A dans le masculin, puis on avait le féminin aussi. Au niveau du calibre, là, c'était quand même bon. On a pu aussi avoir la chance de se comparer avec des calibres là, de d'autres secteurs. Là, quand on a fait la classique du Bleuet avec le Festival du Bleuet, il y avait des équipes de d'autres municipalités, puis ça. Fait qu'on a pu comparer notre calibre. Puis oui, on avait un très bon calibre. On avait aussi dans le E, ben on a vu les équipes qui se sont grandement améliorées, là, qui arrivaient au début là, avec des ambitions pour venir s'amuser, puis finalement, ils ont pris goût un petit peu à compétitionner, puis à s'améliorer, puis à être capable de tenir tête là, aux meilleures équipes. Même chose là, au niveau des filles et du junior, là, ça a été au début une adaptation, mais après ça, le calibre a monté d'un cran. Là. OK. Est-ce que c'est possible de penser peut-être à avoir un gros tournoi l'an prochain de Boom City? T'étais calqué? Est-ce que c'est dans les cartons aussi? Oui, ben là, il va toujours avoir le tournoi du Festival du Bleuet qui va être encore d'actualité. Ouais. C'est quand même un bon tournoi. Et oui, là, on regarde là, pour faire un tournoi de début de saison, de milieu de saison. On n'est pas encore fixé là-dessus. Mais oui, là, on est en train d'aligner les astres pour avoir un deuxième tournoi là, ici à Dolbeau-Missassigny. OK. En terminant, les projets, y a-t-il des projets que vous entendez faire? Bien, dans l'année prochaine, étant donné qu'on souhaite décoller plus tôt, parce que là, la surface va être en place, puis tout ça, on souhaite peut-être avoir une petite saison d'automne là, à la fin des activités. Ça, c'est dans les plans. On a parlé un petit peu du tournoi là-bas. Il y a peut-être d'autres choses là, qui vont peut-être venir là, au travers de tout ça. c'est sûr que là, présentement, vu que les installations appartiennent à la ville, ben, au niveau installation, ça va être plus de s'asseoir avec eux autres, les améliorations qu'on peut apporter là-dessus. C'est sûr que l'Internet au Parc Lyon pourrait nous aider grandement si jamais ça peut arriver là, comme projet. C'est-tu pour ça que vous n'aviez pas les commerçants imprimés? On a les résultats en ligne tout de suite. Là. C'est-tu un peu... Oui, c'est pour ça que nous autres, on pouvait pas l'avoir en direct là, parce que là, on n'avait pas Internet sans tout là, d'accessible. Là. Oui, on a la plateforme pour le faire, les résultats en direct. Sauf que là, présentement, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les résultats sur une feuille de match là, comme dans les hockey mineurs, on rentrait ça à mi-temps par après. Mais si un jour on est capable d'avoir un réseau directement sur le parc Lyon, on va être capable d'avoir des résultats en direct, là, en temps réel. OK. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances, évidemment. C'est une bonne année à l'an 1. Donc, du Tech Hockey de Beaumont-Sessigny, Jonathan, et au plaisir de se parler. Merci. Jonathan Harvey, qui était le responsable du Tech Hockey. Première année, un succès sur toute la ligne à Beaumont-Sessigny.